tous du genre ça peut jouer le balèze comme un petit kid qui sort un mousse plus grand que ça peut jouer le malaise. On veut tous faire la place, la volonté du bagnard, la parano de mes frères et je rappe du bon côté du poignard. On divise, on donne la victoire comme en voulait une balle. Voir les uns pleurent, les autres sont de l'autre côté du parloir. La route est pleine de troncs de pierre, ma drogue arrive à bon tiers. Tout le reste bloqué de l'autre côté de la frontière. Allez dire à ça on va saboter sa carrière. En honnête citoyen qu'on mange mieux de l'autre côté de la barrière. Je reste dans mon coin si tu dévoiles trop t'es à poil. Les proches débattent les miens patients de l'autre côté de la toile. Du bon côté ma gueule. Petit point contraire ici il faut t'aider barbelés. T'as le monde entier ouvert fermé de l'autre côté des barbelés. On sait trop tard que la mort est la seule vraie beauté des armes. Du bon côté du barbare ou du mauvais côté des larmes. Tu dis que personne finance nos dettes. Ça finit comme tu portes nos têtes sous une cagoule. Du bon côté du lance-roquette. Ils veulent nous boycotter, j'assume. Parmi les nôtres, sauté de la thune. Tu croyais que j'étais seul, regarde de l'autre côté de la dune. J'ai qu'ici, ça vient l'enfer et tout le monde laisse Iblis faire. Si nous reste plus grand chose, les frères, de ce côté-ci de l'hémisphère. La France, on tient sa mère. On met des barres de toute beauté, sa mère. L'argent descend avec l'espoir, on suit de l'autre côté de la mer. Tu t'inventes une vie, gros. Fais pas ton fils, gros. Les vrais gangsters s'en branlent de passer de l'autre côté du micro. Je dis tout ça pour que tu comprennes aussi ma ligne. Que de mon côté n'est pas toujours celui qu'on s'imagine. Offensivement, défensif, combat. Solo ou équipe massive, combat. Pique sur le marché du blé. Et le destin placé. Tracé. Du bon côté, ceux qui comprennent rechargent. Tous accéder au patrimoine requis qu'on prenne le large. Et le destin placé. Tracé. Du bon côté. Du bon côté. Mon pote, je voulais passer dans la grande télé. Fais ta descente pédée. Mon seul personne viendra descendre. Si tu t'en fais, tout est baflé. Du sale côté du schlasse, tout est raflé. Ils disent qu'il y a plus de place, tout est raflé. Quand on arrive, tu fonces au débla légitime. Former l'équipe passive du bon côté de la régie. La vie chez moi descend pas. Du haut d'une tour qu'on descend pas. Y'a ceux qui sautent et ceux qui toujours font les 100 pas. Aucune misère sans rayes. Ta pauvreté, tu payes. Mieux vaut braquer, finir sa course de l'autre côté du pays. Franchement, pour toi, c'est dur. Je sais que la belle vie a ses conditions. Faut savoir se placer. Rester solide, tenir sa position. Ça nécessite l'équipe, l'aide, corps et l'attitude. La route promet le sommet à qui peut supporter l'altitude. Mais je te dis tout ça pour que tu comprennes aussi ma ligne. Que le bon côté n'est pas toujours celui qu'on s'imagine. Offensivement, défensif, combat. Solo ou équipe massive, combat. Pique sur le marché du blé. Et le destin placé. Tracé. Du bon côté, ceux qui comprennent recharge. Tous accéder au patrimoine requis comprennent le large. Et le destin placé. Tracé.